BM, double, wow. Tout est, wow. C'est le neuf, wow. Le prince rafale sur le roi, je sors le, wow. Tout le monde, wow. Hermès, Dolce, là-bas, wow. Y'allait, wow. Giro, et frère, détail de là, wow. Peine de, wow. Charge-le, wow. On les bagarre, on les, wow. Je rentre chez, je récupère un mont, wow. J'appelle mon gars qui me ramène de là, wow. Je vais sur le Rhin, wow. Faire une sortie comme, wow. Mon fils me dit qu'aujourd'hui c'est, je l'écoute même pas, je me sers un verre d'eux, wow. Je demande au tartin, je lui décris mon œuf, wow. Un enfoiré c'est moi là, la grosse mou, wow. Envoie des mandats à tous les mecs au cas, wow. Ça sent la tâte pas, je tape une dernière rap, wow. Je suis dans les cités, je travaille comme un art. Artenapi, le dealer c'est fait, wow. Avec des kilos, des quêtes plats de feu, wow. C'est encore le baveux, celui qui porte la qui, wow. Il sort du rush, t'as pour une maxi quiche, wow. Tout est, wow. Tout est, wow. Sous la cagoule, tout est, gang. Tout est, wow. Tout est, wow. 9-3 empire, tout est, wow. Tout est, wow. Tout est, wow. Sous la cagoule, tout est, gang. Tout est, wow. Tout est, wow. 9-3 empire, tout est, elle, moi, c'est comme Hussein-Ita. J't'aime pas, mais j'vais rester sympa. Mec, Allah et moi, j'pense pas. Par où j'suis passé, c'est comme un trou noir. À l'époque, personne voulait de moi. Mais moi, moi, moi, j'ai pas perdu la mémoire. Vénus de Tis, c'est putain de combat. T'es qui t'as fait quoi, j'm'en bats. De belles de bon temps. Tous mes désirs sont condamnés. Tout est gardé, pas besoin de support. Fallait donner avant. Wow, wow. Maintenant, c'est pas juste mon code. Un smic et demi sur la taille. Wow. 3-9 mille sur la schneck. Wow. Si tu la montes, tu la payes. Wow. 9-3 empire du racket. Wow. 9-3 empire sur la tape. Wow. 9-3 empire sur la stand. Wow. 9-3 empire ou en mieux. Wow. Ouais, 9 grammes en shit ou en deux. Wow. Y'a du sang français sous la sape italienne. Mi capitaliste, mi alien. Mi super saiyan. Mi gosse, mi menace iranienne. Mon écuyer chargé le cayenne. Wow. C'est mani la mitraille. J'ai mani la mitraillette. Sauvage, sauvage. J'écris des chansons hardcore. Mi satanique, mi païenne. Wow. Tout est, wow. Tout est, wow. Sous la cagoule. Tout est, gang. Tout est, wow. Tout est, wow. 9-3 empire. Tout est, wow. Tout est, wow. Tout est, wow. Sous la cagoule. Tout est, gang. Tout est, wow. Tout est, wow. 9-3 empire. Tout est, sauvage. Et je me réveille dans de la litriance, wow. Ma soeur fait pas la porte, elle fait des étudiants, wow. Tiens mon VVS avec un banquier hongrois, wow. Dans les bons moments, wow. Dans les meilleurs endroits, oui. T'es pas les empas, on va vous laisser en quoi, wow. Je la coupe à go, wow. Demande un brocard, la moitié de mon repas, c'est ton envie du mois, wow. J'ai mis des micros, ils ont fait une avance, wow. Même autour du GLE, la conversion de ma voix, wow. Pense à l'Ostica, j'ai pas croisé un black queue. Que des gérants de four, ouais des mecs du 9, wow. Ouais des mecs de chez moi, Vite Scam, un négro dans triple S Valenciaga. Sur un casse, personne arrive en retard. Ça va streamer ce soir comme une hagra. Une légende qui vient pour faire du carnage avec un flingue à varier et papa. Chacun son délire comme vague, moi je casse la démarche. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. T'as le bloc qui fait clic-clac. De Scala, négro dans triple S, Balenciaga. Si la 4 personnes arrivent en retard, ça va streamer ce soir comme une hangra. Tout est, wow. Tout est, wow.